planète aussi. On va chanter et on va s'amuser. Pas de répit, car on a des amis. Et rien pour un copain, rien pour un copain. Quelqu'un qui t'aime comme tu l'aimes, qui te le rend bien. Rien pour un copain, rien pour un copain. Un ami qui te tient la main jusqu'au lendemain. Viens avec nous et deviens notre ami. Pour que l'on joue au moins jusqu'à la nuit. Demain, quand nous serons réveillés, on se tiendra la main jusqu'au lendemain. Rien pour un copain, rien pour un copain. Quelqu'un qui t'aime comme tu l'aimes et qui te le rend bien. Rien pour un copain, rien pour un copain. Un ami qui te tient la main jusqu'au lendemain. Rien ne vaut, rien ne vaut. Rien pour un copain, quelqu'un qui t'aime comme tu l'aimes, qui te le rend bien. Rien ne vaut, rien ne vaut. Rien pour un copain. Rien pour un copain. Rien ne vaut, rien ne vaut. Rien pour un copain. Rien ne vaut, rien ne vaut. Rien pour un copain. Rien pour un copain. Rien ne vaut, rien ne vaut, rien ne vaut un copain.